balade en balade les chemins, de passage en passage, le lointain sonore mouvement qui glisse sur les champs. Et ici les lumières de la ville, et là-bas le frisson de l'abîme, le béton, le ciment, les belles pierres, arbres, racines et fougères. Va dans les contrées de tes souvenirs, il y a peut-être un empire là qui bat. Va dans les contrées de tous tes soupirs, il y a peut-être un empire là qui bat. Une pluie sur le pare-brise, les essuie-glaces qui suit, un écho de la radio, une chanson qu'on aimait trop, le soleil et puis la neige, voilà qu'on grelotte d'elle. Va dans les contrées de tes souvenirs, il y a peut-être un empire là qui bat. Va dans les contrées de tous tes soupirs, il y a peut-être un empire là qui bat. Près d'un feu aux lueurs pâles, dansent les esprits des bois, dans un crépitement animal qui réchauffe nos émois. Va dans les contrées de tes souvenirs, il y a peut-être un empire là qui va. Va dans les contrées de tous tes soupirs, il y a peut-être un empire. Il y a peut-être un empire là qui va. Va dans les contrées de tous tes soupirs, il y a peut-être un empire.